les portes du Grand Palais, le soir des masques. Chaque année, Wish City est fêtée par ses habitants. Chaque année, on rappelle au Baef Wish les dures années de travail pour ériger une aussi belle et majestueuse cité au cœur de notre caverne. La nuit des masques est la plus ancienne tradition Baef Wish, perpétrée depuis des millénaires. Il est chouette mon masque, hein, pas vrai ? Booz portait un visage grimaçant. Nous étions comme perdus dans la foule qui s'amassait devant les portes du palais. Une centaine de gardes vérifiaient les invitations. La fête organisée au palais était réservée aux plus grandes ce monde. C'est la première fois que je vais voir le palais de l'intérieur. Je crois que c'est la première fois que des creuseurs vont rentrer au palais tout court, Squeak. Quelque part, on écrit l'histoire. Ouais, quelque part. Je sais pas où, mais quelque part. Nous rentrions au palais pour la grande nuit des masques. Nous rentrions au palais pour voir Mila une dernière fois avant l'attaque des rats. Je vous déçois. Laissez passer le docteur Oscourt. Laissez passer. Faites voir vos invitations, tout le monde ne pourra pas entrer. Et les pauvres, c'est même pas la peine d'y penser. Tiens, un verre. Merci. C'est immense. Les bâtisseurs de l'époque ont dû souffrir pour construire un pareil bâtiment. La cour d'honneur n'était pas une vraie cour. On l'appelait la cour d'honneur parce qu'un grand dirigeant de l'ancien temps en avait décidé ainsi. C'était une immense salle circulaire au sol marbré, aux colonnes gigantesques qui serpentaient vers un dôme en verre. Et au milieu, un gigantesque stalactite tortueux sur lequel glissaient des perles d'humidité. La salle était pleine de monde. Et sur une scène, des musiciens se préparaient. Vous avez pu venir ? Mila, comment t'as fait pour nous reconnaître ? Pas dur. Un petit et un gros, ça peut être que vous. Je suis pas petit, moi ! Elle était ravissante. Non, même ce mot ne convenait pas. Son masque blanc épousait les douces courbes de son visage et des filets dorés dessinaient le contour de ses yeux mauves. Squeak ! Quoi ? Il y a un vieux pote à nous qui est là. Et traversant la foule comme une lame, Rosencraft nous rejoignit, un sourire mauvais sur le visage. Il paraissait remis. Pourtant, sur sa peau, on distinguait comme de minuscules taches noires. Son masque, du plus mauvais goût, représentait le faciès grimaçant d'un rat. Mila, je vous cherchais. Et merde. Mais tiens donc, ne serait-ce pas ce bon vieux Squeak et ce bon gros Booz ? Dites les gars, je n'avais jamais eu l'occasion de vous remercier pour m'avoir récupéré dans les galeries. Je dirais pas de rien, Rosencraft. Mais j'ai dit que je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier. Ce soir, je ne crois pas encore que ce soit le cas. Mila, voulez-vous m'accorder cette danse ? Non, Rosencraft. Ce monsieur me l'a proposé avant. Quoi ? Mais... Mila m'a pris la main et sans que je puisse dire ni faire quoi que ce soit, nous nous retrouvions à danser autour du stalactite en compagnie d'une centaine de gnomes prêts à faire la fête. Laisse-moi passer, Booz. Non, toi, tu restes ici. Mon pote, il danse avec la fille du grand dirigeant. Allez, fout. Va jouer avec ta pelleteuse. Un jour, Booz, tu vas te faire bouffer une pelle. Pas grave, je les digère très bien. Mila, je sais pas danser. Je m'en rends compte là, en fait, à l'instant. Tu marches sur les pieds. Désolé. Fais semblant, tout le monde va nous regarder. Normal, je suis quand même la fille du grand dirigeant. Qu'est-ce qu'il fout, ce connard, ici ? Rosencraft ? Tout Wish City le porte au nu. Alors mon père a décidé d'en faire un de ses ministres. D'ici peu de temps, Rosencraft conseillera le grand dirigeant de Wish City. Il n'en aura peut-être pas le temps, s'il est rare. Non. Parle pas de rat. Pas ce soir, Squeak. Ce soir, je veux profiter. Et nous avons dansé pour ensuite rejoindre Booz et profiter de la soirée. Dehors, dans toute la ville, les gens s'amusaient. Les torches brûlaient, les bières de roche glissaient dans les gorges, les cœurs s'embrasaient. Et les masques tombaient. Tout Wish City vibrait pour la nuit des masques. Et moi ? Pour Mila. La princesse était enfin devenue accessible aux creuseurs. Et le creuseur était plus qu'un creuseur aux yeux de la princesse. Enfin, j'espérais. De toute manière, pour une fois, Mila m'accordait plus d'importance que quiconque ce soir-là. J'aurais voulu que le temps s'arrête, que les rats se figent et que nous restions tous les deux là, juste là, main dans la main, durant la nuit des masques. Mais... Votre attention, s'il vous plaît, le grand dirigeant veut vous parler. Mes amis, Il est temps maintenant de passer au grand opéra du palais pour un concert exceptionnel. Le grand musicien Maniki Maniki nous offrira un spectacle de toute beauté. Salut tout le monde, je vais essayer de vous faire passer une bonne soirée. Tous au grand opéra pour le dernier acte. Le dernier acte? Non, le premier. Le tout premier. Les râles et déferlés sur Wish City. Bah, Fouiche.